Deuxième partie, l'épouvantail. Chapitre 21, le retrouver. Thorn se tenait dans un coin de l'ascenseur si exagérément grand que sa tête touchait le plafond de la cabine. Son regard d'acier, sabré par la longue balafre faciale, était absorbé par un document qui le feuilletait d'un geste affairé. Il n'accorda pas la moindre attention à Lydie Septima alors qu'elle lui désignait Ophélie, figée au milieu de la chambre froide. « Notre dernière recrue, sir. Je veillerai personnellement à ce qu'elle se montre à la hauteur de la situation. » Le règlement imposait à Ophélie, sous peine de sanctions sévères, de se mettre au garde à vous, de réciter la formule de salut consacrée, « La connaissance sert la paix », et de décliner son identité. Cela lui fut impossible. Dès l'instant où Thorn était apparu, elle s'était vidée de toutes ses pensées. Elle se cramponnait des deux mains à sa montre boussole. C'était solide, c'était tangible, c'était réel. Lady Septima pinça les lèvres, interprétant son mutisme comme une crise de timidité malvenue. L'apprenti Eulali a intégré la deuxième division de la Compagnie des avant-coureurs il y a 50 jours. Pas grand-chose dans la tête, mais ses mains ont du potentiel. Ophélie ne l'écoutait pas. Lady Septima n'existait plus. Il n'y avait que Thorn, toujours au fond de l'ascenseur, sourcils froncés, plongé dans sa contemplation d'un graphique. Ses cheveux blonds argentés étaient scrupuleusement peignés vers l'arrière. Sa figure, longue et anguleuse, parfaitement rasée. Il portait une chemise à la blancheur impeccable qui se prolongeait sur chaque avant-bras en gantelets de travail où étaient encastrés des cadrans, des jauges et divers instruments de mesure. Ce fut l'emblème, épinglé sur sa poitrine à hauteur de son cœur, qui retint toute son attention. Un soleil. Tout ce temps, elle avait cherché un fugitif. Elle venait de trouver un lord de luxe. Un pas derrière l'autre, Ophélie s'enfonça dans le recoin le moins éclairé de la chambre froide. Même si le fracas de son sang l'empêchait de réfléchir, une évidence s'imposait à elle. Ce qui se produirait quand les yeux de Thorn croiseraient enfin les siens aurait des conséquences irréversibles. « Nous prenons trop de retard sur le calendrier prévisionnel. Les généalogistes vont finir par réclamer des explications. » Thorn avait articulé ces mots avec l'accent de Babel, dépouillé de toute intonation nordique, comme l'aurait fait un natif de la cité. Pourtant, Ophélie aurait reconnu sa voix entre mille, une vibration de contrebasse grave et maussade qui résonna à travers son vide intérieur, lui remua les entrailles, remonta dans sa gorge, la fille suffoquée. La voix de Thorn après presque 3 ans de silence. Ophélie tressaillit quand il referma son document d'un claquement sec. Par ailleurs, j'aurais besoin des nécromanciens ici de toute urgence. La température et le taux d'humidité deviennent trop élevés dans l'hémisphère oriental du secrétarium. Nous perdons du personnel, évitant de perdre aussi des collections. L'attention de Thorn était directement passée de ses graphiques au vieux manuscrit sur le pupitre de consultation. Lorsqu'il traversa la chambre froide, un grincement sinistre accompagna chacun de ses pas. Ophélie ne l'avait pas remarqué jusqu'à cet instant, mais cela lui crevait les yeux à présent. Une armature en fer, articulée comme un squelette, encageait l'une de ses jambes de la cheville jusqu'au genou. La jambe, qui avait été brisée pendant son séjour en prison. L'automate. Rarement Ophélie s'était sentie aussi stupide. Elle avait pris au sens littéral ce qui n'avait toujours été qu'un sobriquet de mauvais goût. De mauvais goût et néanmoins parfaitement trouvé. Thorn se pencha avec raideur sur le pupitre, puis il tourna méthodiquement entre les doigts métalliques de son gantelet une page du manuscrit. « Votre recrue connaît-elle les langues anciennes ?» Il s'était adressé à Lydie Septima comme si la principale intéressée ne se trouvait pas dans la pièce. Cette vilaine habitude qui exaspérait tellement Ophélie du temps de leur fiançailles lui parut plus que bienvenue aujourd'hui. « Elle ne les connaît pas, sir. Je pense qu'elle est cependant en mesure de prendre la relève de l'apprentie médiane. C'est une animiste, une liseuse. » « Voilà, » songea Ophélie, dont les lunettes bleuissaient à vue d'œil. « Il va se tourner vers moi. Il va me reconnaître. » Thorne n'en fit rien. Il se contenta d'examiner la page qu'il tenait du bout des doigts, grignotée par le temps comme de la vieille dentelle. « Saurait-elle restaurer le texte manquant ?»« Non, sir. » décréta Lady Septima avec l'assurance du professeur qui connaît son élève mieux que lui-même. « En revanche, elle pourrait en reconstituer la substance en pénétrant dans la perception de ceux qui l'ont lue, idéalement de celui qui l'a écrit. » Ophélie fut frappée par la manière dont ses yeux de feu fixaient la jambière de Thorne, comme s'ils essayaient d'en faire fondre le métal. Lady Septima le traitait en apparence avec le respect qu'un membre de luxe doit à l'un de ses pairs, mais elle ne le considérait pas comme son égal. Cela ne lui disait rien qui vaille. Si Lady Septima surprenait le moindre trouble entre Sir Henry et elle, un mouvement de surprise fut-il infime, elle se méfierait d'instinct et leur fausse identité éclaterait en morceaux, pensa Ophélie. Elle s'obligea à inspirer lentement. Calmer le vacarme de son cœur, ramener ses lunettes à la transparence, relâcher les muscles de son visage, redresser les épaules. Elle ne pouvait empêcher le tremblement de son corps, mais tant pis. Elle se trouvait dans une chambre froide, en toge et en sandales. Grelotter était une réaction physiologique normale. Restait à espérer que Thorne ne s'étranglerait pas en la voyant. « Où se trouve actuellement l'apprenti Médiana ?» Il avait demandé cela du bout des lèvres tandis qu'il feuilletait les notes de traduction. La lampe du pupitre projetait une lumière froide sur son profil, faisant luire la pente escarpée du nez, le sillon de la longue cicatrice et, dans l'entrebâillement étroit de la paupière, un œil fixe. « Elle a été transférée, sir. »« Reprendra-t-elle un jour du service ?»« Se prononcer sur ce point serait prématuré. » Médiana est vivante, fut la seule pensée cohérente qu'Ophélie put former à ce stade de la conversation. « Et que vous inspire le cas de Miss Silence à présent ?»« Je ne comprends pas votre question, sir. » Thorne se détourna du pupitre de consultation. « Une crise d'apoplexie dans nos rangs est ce que j'appelle un regrettable incident. » Comment en qualifieriez-vous une deuxième ? Une regrettable coïncidence, sir. Ils étaient l'un et l'autre impénétrables, mais Ophélie perçut une tension qui s'accroissait au fur et à mesure. Si l'expression de Thorne demeurait indéchiffrable, celle de Lady Septima trahissait du dégoût. À aucun moment elle n'avait daigné lever les yeux jusqu'à lui, s'obstinant à fixer sa jambe infirme. Savait-elle seulement que l'homme devant elle était doté d'une mémoire phénoménale et de griffes redoutables ? Il la dominait de deux têtes, mais elle le voyait comme un blanc-bec qui lui serait à jamais inférieur, et ce n'était pas seulement à cause de leur différence d'âge. Ophélie réalisa qu'elle agissait de même avec le vieux balayeur, les avant-coureurs d'Hélène et même avec Médiana. Tous ceux qui n'appartenaient pas à la descendance de Pollux n'étaient pour Lady Septima que des pièces nécessaires au bon fonctionnement d'un mécanisme et qu'il convenait de remplacer lorsqu'elle devenait déficiente. « Il va nous falloir augmenter la cadence des groupes de lecture », finit par déclarer Thorne. « Les généalogistes s'impatientent et ni vous ni moi ne souhaitons une inspection surprise de leur part, en particulier en ce moment. » Avec ce genre de coïncidence. C'était la seconde fois qu'il était question des généalogistes. Si Ophélie ignorait de qui il s'agissait, elle comprit au moins qu'il se trouvait au sommet de la hiérarchie de luxe et que Thorne ne voulait pas avoir affaire à eux. « Toutes les permissions seront suspendues jusqu'à nouvel ordre, » dit Lady Septima en entrechoquant ses talons. Les lectures débuteront plus tôt et se termineront plus tard. Que cela ne se fasse pas au détriment du détail. Vos élèves commettent encore trop d'imprécisions et je ne parle pas des erreurs d'encodage. Lady Septima acquiesça, mais son visage s'était durci. Ophélie était au supplice. Thorne n'avait évidemment pas conscience qu'offenser cette représentante de Dieu ici et maintenant était la dernière chose à faire dans leur position. Comme de juste, Lady Septima se chercha une cible sur laquelle reporter sa contrariété. Elle fut toute désignée. « Apprenti Lolly, allez-vous rester indéfiniment les bras ballants ?» Arrêtez donc de me mettre dans l'embarras et prouvez à Sir Henry que vous serez digne de ses attentes. » Ophélie eut l'impression que son sang avait brusquement cessé de circuler à travers son corps. Thorne s'était enfin tourné vers elle. Il s'était tourné vers elle et son regard n'exprimait rien, ni surprise, ni perplexité. Le regard neutre qu'un inconnu adresserait à n'importe quel autre inconnu. « Je ne vous décevrai pas, » déclara-t-elle. Ophélie fut soulagée de ne pas entendre sa voix faillir. Elle se surprit même à soutenir, sans trop trembler, l'attention dont elle était l'objet, comme si elle n'était plus vraiment elle-même. Parce qu'elle n'était plus vraiment elle-même. « Je suis Eulalie, » se répétait-elle, « et l'homme qui me fait face est Sir Henry. » C'était aussi simple que ça. Le long bras de Thorne s'empara des notes de Médiana sur le pupitre, puis se déploya pour les remettre à Ophélie, couvrant la distance qui les séparait sans avoir à amorcer un pas dans sa direction. L'automate. « Vous avez 3 jours pour apprendre cette traduction par cœur et vous former à la manipulation de documents anciens. Après quoi, vous vous rendrez ici même chaque soir. » Après les groupes de lecture. 3 jours. Me suis-je bien fait comprendre, apprenti? Les mots de Thorne tombèrent sur elle comme de la grêle. Il n'aurait pas été plus convaincant s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il l'était tellement, en fait, qu'elle fut saisie d'un doute vertigineux, tandis qu'elle serrait les feuillets de notes entre ses mains. L'avait-il seulement reconnue?